voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches, fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir où passent sans se voir des nuages de laine. Les soirs de tempête, dans la colère du ciel, entendre une baleine appeler son amour. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer avaler un navire, son or et ses canons, pour entendre le rire de 100 millions d'enfants qui n'ont pas peur de l'eau, qui ont envie de vivre sans tenir de drapeau. Je voudrais voir la mer, ces monstres imaginaires, ces Hollandais volants et ces bateaux de guerre, son cimetière marin et son lit de corail où dorment les requins dans des draps de satin. Avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je vis dans une bulle au milieu d'une ville. Parfois mon cœur est gris et derrière la fenêtre je sens tomber l'ennui. Sur les visages blêmes et sous les pas pesants que traînent les passants, alors du fond de moi se lève un vent du large, aussi fort que l'orage, aussi doux qu'un amour. Et l'océan m'appelle d'une voix de velours et dessinant mon corps le mouvant de la vague. Je voudrais voir la mer gonfler de soleil et devenir un bijou aussi gros que la terre. Je voudrais voir la mer se gonfler de soleil et devenir un bijou aussi gros que la terre. Je voudrais voir